Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vanoise, un parc national pour qui ? Une série de Myriam Prévost réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des souvenirs de randonnée à guetter le bouquetin ou le chamois, avec les pieds gelés. Et il y a aussi l'envie de comprendre ce que fait un parc national à ceux et celles qui en partagent le territoire. Et se demander si, après tout, ce parc était vraiment une bonne idée. Alors pour commencer, les personnages. Une éleveuse perchiste, une aubergiste, un ancien bûcheron, ancien moniteur de ski devenu conteur, un homme qui a pensé un parc habité, un couple d'éleveurs fromagers, une ex-mère et sa station, et une directrice du parc qui s'accroche. Ensuite le décor. Terre Mignon, une ferme auberge, des alpages, des histoires de sœurs, des marmottes pires que les taupes, des loups, des troupeaux décimés, le col de Mont-Cenis, une station de ski, un parc et détruite. Aujourd'hui, troisième épisode, c'est l'heure de la traite. Hop. Du coup, là, je mets le filtre. Et je mets le refroidisseur. Non, ça va, celle-là, elle est gentille, elle tape pas. Les coups de queue sont plus virulents que les coups de corne. On en prend plus souvent. Hein, les filles ? Non, en fait, j'en ai que 7 à traire parce qu'elles sont toutes non. Pratiquement taries. Souvent, ils disent février-mars, elles veillent. Mai, on sort un coup, les vaches, ça remet du lait. Juin, elles sont au pic de lactation, on monte à la montagne. Et juillet, août, elles ont l'herbe d'alpage. Octobre, on descend à Terre Mignon, donc après l'herbe, elle est moins riche. Et après, ça fait novembre, décembre, on tarit tout ce qu'il y a à tarir. Et on attend février, mars, et ça recommence. Décembre 2018, Terre Mignon, Haute-Maurienne. Dehors, il neige des gros flocons bien lourds. On est accueilli chez Charlène, agricultrice, qui habite dans le centre du village. On est ensuite rejoint par sa sœur, Célia. Célia et Charlène ont à peine 30 ans, et l'hiver, elles vivent en bas, au village, de petits boulots saisonniers. Célia est serveuse dans des restaurants, et Charlène est perchiste au téléski de la station. Derrière la porte de la cuisine, l'étable, avec une petite dizaine de vaches, celles qui ont encore du lait. Je trouve qu'il a une âme, ce village. Haute-Maurienne, un parc contesté par ses habitants. Le fait qu'il y ait encore la vie agricole dans le village, les vaches, des fois ça sent la vache. On est peut-être encore 7 fermes dans le village. Les gens, les touristes, ils viennent. Souvent, ils passent la tête. Ils regardent, oh regardez, il y a des vaches. Alors je leur dis, bah venez, faites le tour si vous voulez venir voir. Du coup après ils arrivent tout contents avec les enfants. Et puis aussi, oui. Bonsoir. T'es déjà là? Oui, c'est bien, ça va. Alors bonjour. Ça c'est Armand. Bonjour. Mon petit ouvrier agricole à la retraite. Il est toujours à l'heure. Ça c'est les ouvriers les plus fidèles. Jamais en retard, toujours souriant, jamais grincheux. Et efficace. Tu peux juste reculer la remorque après chez moi. Oui. Tu le rêves. Ah, t'es trop gentil. En été, elles sont là-haut, en montagne, dans le cœur du parc de la Vanoise. Célia tient l'auberge de Bellecombe. Et Charlène monte avec ses vaches sur leurs alpages, qui se trouvent autour et au-dessus de la ferme familiale devenue auberge. Quand on était petites, nos parents, ils n'avaient pas le temps de nous garder l'été. Du coup, ils nous envoyaient là-haut. Et puis Célia, bah, elle allait plus avec ma grand-mère qui faisait plus le côté auberge. Et moi, j'étais plus derrière les vaches avec ma grande-tante. La famille est là-haut en alpage depuis plus de 80 ans. ils avaient des brebis, des vaches, etc. Et après, il y a des ouvriers qui sont venus pour créer les refuges du parc, pour mettre un peu les lignes électriques aussi. Il n'y avait rien pour manger, donc ils ont été tapés à la porte de l'auberge. Et notre arrière-grand-mère, elle s'est proposée de leur faire quelques omelettes. Et depuis là, après, petit à petit, ma grand-mère, elle est allée l'aider. Elles ont développé un petit peu l'auberge, quoi. De fil en aiguille, ma sœur a repris l'exploitation et puis moi, j'ai repris l'auberge. C'est marrant, en fait, de génération en génération, c'est deux sœurs et deux sœurs de la génération, deux générations en dessous, quoi. Et on peut y monter, là, à votre auberge ? En ce moment ? Oui. Vous êtes prête à mettre les skis ? En fait, pendant l'hiver, la route, elle est fermée depuis Termignon, donc on ne peut pas y aller en voiture. Mais il l'ouvre fin mai, la route. Et puis là, on a un projet de faire un nouveau dortoir, parce que justement, là où tellement qu'il y a du monde, il manque presque de lits dans les périodes de forte fréquentation. Donc en accord avec la mairie et le parc de la Vanoise, justement, qui pousse un peu notre projet, on va pouvoir faire un nouveau dortoir. Autrefois, c'est vrai qu'il y a eu des conflits au départ, quand ils sont arrivés, même dans notre famille, avec le parc, parce que ils sont arrivés là, les agriculteurs les voyaient un peu comme un cheveu sur la soupe, ils débarquaient chez eux, ils leur disaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et en fait, on a eu de la chance, c'est qu'il y a eu des responsables du secteur qui étaient intelligents, qui sont arrivés. Ça a un petit peu amélioré les rapports avec certains d'entre nous. Donc après, moi, je parle pour la partie refuge. La partie refuge, du coup, ils nous soutiennent bien, etc. Quand on a des accords, on en parle et puis après, on arrive à les réaliser. Après, niveau agricole, c'est encore un petit peu sensible avec certaines personnes. Bon, je m'arrête là. Parce qu'en fait, nous, ici, dans le parc, on a un gros souci, c'est les marmottes. Les marmottes, c'est pire que les taupes, ça fait des énormes trous. C'est des bonnes creuseuses. Et en fait, nous, avec les vaches, c'est tous les ans une vache qui est foutue dans un trou de marmotte. Cette année, c'était une génisse. On l'a montée en alpage, hop, elle se met la patte dans le trou. Donc là, tout de suite, il faut appeler le rebouteux. Une fois qu'il a bien remis la patte, la vache, elle a perdu son lait parce que du coup, elle a souffert. En même temps, le temps que ça se remette, je pouvais que la mettre dans le plat. J'avais mis des piquets à chaque trou de marmotte pour qu'elle voie et le jour et la nuit, parce que pareil, la nuit, elle ne voie pas les trous de marmotte, elle met les pattes dedans. Et après, c'est vrai qu'on ne peut pas les tuer parce que c'est un animal protégé que le parc garde bien. Il ne faut pas tuer les marmottes dans le parc. Mais en fait, c'est pas géré du tout. Du coup, les marmottes, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Elles sont grasses, énormes, parce que elles savent qu'elles sont protégées, donc elles n'ont aucune crainte de personne. Et à part 2-3 chiens qui peuvent les tuer de temps en temps ou les loups qui les mangent, c'est le seul moyen de s'en débarrasser. Mais c'est vrai que c'est un gros problème par rapport au niveau de pâturage, parce que avec le parc, on touche des aides pour manger, mettons, plus à droite en dernier, parce qu'il y a la reproduction de certains oiseaux qui font des nids dans les petites fougères. Et du coup, ils nous disent qu'il faudrait manger ce coin-là plus vers août, histoire que les œufs ils soient bien éclos et tout ça. Donc on comprend, mais quand on voit que du coup, là, en bas, on ne peut pas manger parce qu'il faut laisser pour la boiteuse. En haut, à gauche, on peut manger, mais il faut garder de l'herbe aussi un peu pour l'automne. Et en haut à droite, il faut attendre l'automne pour manger. Mais en fait, à l'automne, ça a tout grillé parce que c'est des terrains pauvres. Oui, mais après, au niveau du parc, je trouve que aussi, y a des choses, certes, qui sont peut-être pas super pour tout le monde, etc. Mais par exemple, dans le parc, c'est interdit d'amener les chiens. Ça, c'est vrai que tenue en laisse, je comprends pas trop. Par contre, si les touristes se mettaient à amener tous leurs chiens et à les lâcher dans la montagne, ça ferait peut-être des dégâts aussi. Voilà, ça régule, on va dire. Après, le problème, c'est surtout que nous, étant agriculteurs, on a le droit aux chiens de troupeau. Moi, souvent, je suis à la traite, je les envoie chercher les vaches. Les gens, tout de suite, y a des touristes qui nous rentrent dedans en disant « Ouais, mais comment ça se fait que vous, vos chiens, ils ont le droit ? Ça, les agriculteurs, ils ont tous les droits ?» Non, moi, je leur dis « C'est pas les agriculteurs qui décident, c'est le parc. » Mais ça, le parc, il leur explique pas vraiment. Il y a les panneaux « Interdit aux chiens »,« Interdit à ramasser les fleurs »,« Interdit à tout ». Mais il n'y a pas le pourquoi on interdit. Ce qu'il y a, c'est qu'ils doivent concentrer les informations parce que s'ils commencent à leur dire « Oui, donc vous n'avez pas le droit, mais si vous voyez des chiens, ne vous inquiétez pas, c'est les agriculteurs. » Les gens, ils vont pas forcément là-haut pour entendre et lire plein d'infos. Donc, il faut que les infos, pour eux, elles soient claires. Et effectivement... Après, c'est nous qui nous prenons les mauvaises remarques et c'est le monde agricole qui a une sale image parce que soi-disant, bah, les agriculteurs, ils se permettent tout ce qu'ils veulent alors qu'ils sont dans un lieu protégé. Mais faut pas, enfin, faut pas se leurrer, hein. Là-haut, ça a été entretenu par les agriculteurs depuis des années. Il y a des fleurs, peut-être dues à l'agriculture aussi. Après, pareil, quand on a des travaux à faire niveau agricole, il faut toujours demander au parc. Bon, ce qui est normal. Et en sachant que je suis pas du parc, je suis simple agricultrice, le dossier, il est jamais sur le tas de la pile. Et ça, c'est le gros problème du parc. C'est que les dossiers agricoles, ils passent toujours en dessous de la pile. Quand il y a un dossier pour un refuge du parc qui est touristique, il est toujours en dessus de la pile. C'est, oui, mais parce qu'il y a peut-être des problèmes de communication à ce moment-là. Parce que moi, je vois par rapport au dortoir, au niveau du refuge qu'on veut construire, et à chaque fois qu'on leur a demandé quelque chose, notamment pour poser des panneaux photovoltaïques sur l'auberge et tout ça, ça a toujours été fini dans le bon sens pour nous. Et puis bon, ben dans le parc, c'est des gens, c'est des humains qui y travaillent, et il y en a qui... Enfin, tout le monde réagit pas pareil. Après, c'est vrai qu'on a l'impression, nous, les agriculteurs, que pour le tourisme, le parc, il est prêt à mettre des hélicoptères partout. Et pour l'agricole, il faut demander des autorisations, peut-être 3 ans c'est à l'avant. C'est faux, nous, on a demandé de faire des photos de nos dortoirs avec un drone, et ils ont refusé. Mais bon, après, on est mitigés avec ma sœur, on n'est pas très d'accord sur ce point-là. Elle est plus pour le parc, parce que c'est vrai que ça lui amène du monde. Moi, j'y conçois, hein. Moi, je suis pas contre, totalement. Mais c'est vrai qu'il y a des manières de faire en agriculture, on n'a jamais vu, quoi. Quand j'ai voulu aller à Termignon pour parler du parc, on m'a dit « Ouh là là, mais c'est tendu avec le parc là-bas ». On m'a dit « Les gens là-bas, ils en veulent au parc, mais ils savent plus pourquoi ». Quand j'ai demandé à des habitants s'ils voulaient en parler, beaucoup ont refusé. Trop délicat, pas envie de s'exposer. Un peu peur des répercussions de ce qu'on pourrait dire dans le micro. La commune nouvelle de Valsenis regroupe les villages de Termignon, Solières-Sardières, Bramant, Lens-le-Villard et Lens-le-Bourg. Ils ont tous voté contre la charte en 2015 et se sont retirés de l'aire périphérique du parc de la Vanoise. Le texte, issu de la nouvelle loi des parcs nationaux français de 2006, avait pour but d'amener plus de démocratie et d'intégrer les élus locaux dans sa gouvernance. Mais les villages n'en ont pas voulu. Seulement plus de 80% du territoire de Valsenis se situe dans le cœur du parc, un territoire immense qui fait de Valsenis la deuxième plus grande commune de France. Un territoire d'alpage et de chalets de bergers où les éleveurs emmènent leurs troupeaux l'été. Là-haut, beaucoup de bovins laitiers et quelques troupeaux ovins. À l'image de Charlène et Célia, tout le monde n'est pas d'accord sur le parc, mais tout le monde a quelque chose à dire. Après, moi, je suis pas anti-écolo. Il nous faut le parc pour vivre, pour vendre nos beaux-forts. C'est grâce à l'image qu'on a qu'on arrive à avoir un produit aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de mettre des pesticides à la montagne. Donc on arrive à avoir un produit de qualité. Ça explique aussi le prix des produits qu'on arrive à avoir. C'est quoi pour toi les écolos ? Pour moi, un écolo, c'est quelqu'un qui pense que à la nature et qui pense pas aux êtres vivants autour, c'est-à-dire... Qu'il y ait des trous partout dans une montagne, c'est pas grave. C'est la nature qui veut ça. Que le loup, il tue des animaux, c'est pas grave. C'est la nature qui veut ça. Moi, je serais pas la première à aller mettre des pesticides là-haut, dans l'alpage, parce que ça serait contre ma volonté de faire. Enfin, pour moi, l'écologie raisonnée, ça me va. L'écologie déraisonnée, arrive à un moment, ça m'énerve, quoi. Parce que quand on entend parler des gens... qui vont venir te voir en sachant que t'es agricultrice et qui vont te dire « bah nous, on adore les loups », là, tu te dis « le gars, il veut vraiment qu'on lui rentre dedans ». C'est pas qu'on est contre le loup, nous. C'est juste que nous, on veut que ça soit bien géré, cette histoire. Ton troupeau, il a déjà été attaqué ? Pas encore. Mais c'est vrai que j'ai des voisins qui ont des vaches et qui ont été attaqués. Donc c'est vrai qu'au printemps, quand je sors mes vaches ou mes veaux, je suis pas tranquille. Hein. Moi, je suis pas... pour, forcément, mais je suis pas contre non plus. Je dis, il aurait fallu qu'ils instaurent ça en mettant des règles, en les surveillant, en leur mettant des GPS. On est quand même en 2018. Il y a des moyens de fait. Aux agriculteurs, ils leur balancent des sous sans arrêt. Mais nous, arrivé à un moment, c'est pas forcément les sous qu'on veut, c'est une solution. Le plus problématique dans cette histoire, c'est les réseaux sociaux, parce que le moindre loup tué, enfin il y en a un de moins, mais sur 100 loups, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y en ait un de moins? Parce que sur un troupeau de moutons, qui en est 80 de moins sur 100, ça dérange personne. Si vous mettez des trucs sur les réseaux sociaux, là, il y a toutes sortes de gens qui ne connaissent pas le milieu, qui viennent tout de suite défendre la cause. Et là, on se dit, mais au lieu de venir défendre sans savoir, venez pendant 15 jours avec un berger à surveiller des moutons et à voir comment c'est malin cet animal. Et puis après, on en reparle. Mais après, de dire on va tout tuer, peut-être pas encore, parce que bon, bah nous, y en a dans certains pays, ça se côtoie bien. Mais après, c'est pas les mêmes alpages, c'est beaucoup plus vaste. Nous, ici, les alpages, ils sont très enclavés avec les ruisseaux. Il y a les rochers de l'autre, les ravins de l'autre. Les animaux, ils n'ont pas beaucoup de place pour se cacher, quoi. Là, l'hiver, quand je fais ma ligne de téléski, que je vois des traces de biches dans toute la piste, avec des traces de loups derrière dans toute la piste, on voit qu'elles ont tracé toute la nuit. On se dit, waouh, la nuit, ça bouge. On se dit, je monte la pierre, je suis toute seule, c'est encore pas ouvert, est-ce qu'on va pas m'attaquer? Sont-ils bien partis de là? Bon, ben c'est bon, ben, bonsoir. T'as tout travaillé? Ben merci, bon, ciao. Armand. Ciao. J'étais bûcheron 30 ans de ma vie, alors le bois, c'est important. Et le feu. Le premier village en Maurienne, c'est Solières. Tout petit village à côté de Termignon. J'étais là comme agent de l'Office national des forêts. C'est comme ça que je suis arrivé là. J'avais choisi Solières tout à fait par hasard, parce que j'ai fait l'Algérie, comme tous les gens de mon âge. J'étais en Algérie avec un bon copain qui était de Modane, l'entrée de la vallée de la Maurienne. Quand il est retourné en France, il m'a écrit, il m'a envoyé une carte postale de la Dent Parachée. La Dent Parachée, vous l'avez vue d'ici, de chez moi, elle est merveilleuse. Quoi. C'est le pivot de toute la Vanoise. Et j'ai trouvé cette montagne très très belle. J'ai regardé sur la carte, elle dominait le village de Solières. Et j'y suis resté. Donc c'est vraiment que cette vallée a du charme, un grand charme. Ce qui m'a séduit surtout, c'est les gens d'ici d'abord. Yves Berneron, je crois. Conteur, maire de Lens-le-Villard de 1989 à 1995. Ce village de Solières était un tout petit village, il y avait une centaine d'habitants, à peine, même pas. Ils étaient chaleureux, ils étaient accueillants, ils étaient dans la tradition des gens de cette vallée de la Maurienne qui depuis des millénaires voit passer des gens. C'est la grande vallée du passage à travers les Alpes. Et puis ouais, je me suis habitué à cette lumière, à ces couleurs de la vallée, à cette ouverture, la vallée est large. Le milieu forestier était magnifique aussi, enfin, faut le pénétrer pour le rencontrer, mais il était magnifique. Et voilà pourquoi je suis resté ici. À cette époque-là, il y avait une grosse désertification aussi, les gens partaient. Oui, il y a eu une désertification terrible. Hein. Ce n'est pas la première fois. C'est dans l'histoire de cette vallée, la désertification. La première grande désertification, c'est l'ouverture du tunnel ferroviaire de Fréjus à Modane. C'est 1870, on ne passe plus par le col du Mont-Cenis. Vous vous rendez compte, on peut passer dans un wagon, sans âner dans les tempêtes du Mont-Cenis, tout le monde passe par le tunnel du Mont-Cenis. Or, toute l'économie de cette haute vallée, c'est le passage du col du Mont-Cenis. Les gens n'ont pas pu rester, ils n'avaient plus leur travail, et ils sont partis en Amérique du Sud. Alors, cet exode d'après-guerre a été un des exodes de cette vallée de la Maurienne. Mais c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de monde. Je ne suis pas resté à l'Office des forêts longtemps, seulement pendant 10 ans. Je m'étais tourné vers le tourisme tout de suite. Et puis j'étais moniteur de ski, je suis devenu complètement tourné vers le tourisme en créant une école de ski dans ce village en 1960. Et j'ai eu la volonté aussi, avec d'autres, de créer cette station de sport d'hiver de Valsenis. Vous êtes arrivé juste après la création du parc ? Je suis arrivé en 1960. Et le parc, 1963. En tant que forestier, j'étais tout à fait d'accord. Il fallait protéger cette haute montagne qui est magique. Mais Comment je l'ai ressenti à l'époque? Comme des interdits. Des interdits, des interdits, des interdits. Il est interdit d'œil, il est interdit d'œil, il est interdit d'œil. Et ça, vous venez un petit peu trop tard pour interroger l'homme qui a voulu le parc national de Vanoise et qui est décédé il y a quelques jours seulement, Gilbert André. C'était un homme extraordinaire qui a, pendant des années, conçu son parc national de la Vanoise. Il était si bien conçu que finalement, les politiques ont accepté de créer un parc. Mais ce n'est pas comme il est aujourd'hui. Gilbert André était passionné par la nature, par la montagne, c'est sûr, mais passionné par les gens qui habitaient la montagne. Et son parc était un parc qui était fait pour défendre la nature, pour que cette nature continue à défendre les hommes qui y vivent. Il fallait que les villages restent dans le parc. Le parc soit la propriété des gens d'ici, et non pas la propriété des énarques parisiens. C'était pas ça son parc. Il ne le voulait pas, ce parc, comme on est aujourd'hui. Le parc, c'est devenu une entité, parc, greffé ici, mais la greffe, elle n'a pas prise. C'est ça le problème. Dans la volonté de Gilbert André, il y avait par exemple un lycée de la montagne. Il y avait des cours dans toutes les écoles sur l'écologie et particulièrement sur le parc de la Vanoise. Aujourd'hui, il n'y a pas un cours. Il y a de temps en temps un garde du parc qui vient dans une classe si l'instituteur le demande. Ça devrait faire partie de l'enseignement, de façon à ce que les enfants s'approprient ce parc, que ce soit leur parc, et il n'y aurait pas de heurts. Ce n'est pas possible. Les gens sont tout à fait d'accord pour protéger leur montagne. Ils y vivent, on en a besoin. On a besoin d'une montagne vivante, belle, pas une montagne ravinée, balayée par les avalanches, sans vie du tout. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un heurt entre le parc et les habitants d'ici. Il y a des choses qui passent pas, en fait. Le parc prend des décisions qui sont pas expliquées. Donc derrière, ça peut pas passer. Ils ont interdit l'alvinage dans les lacs de montagne. Ils ont jamais pris le temps d'expliquer aux gens pourquoi ils le faisaient, quoi. En fait, les grosses truites, les truites adultes qu'ils mettaient l'été pour que les pêcheurs puissent aller pêcher, en fait, elles mangeaient tout ce qu'il y avait dans les lacs. Donc, au niveau de la biodiversité, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, je l'ai découvert par hasard, en fait, en lisant une revue chez le médecin. Mais bon, ça n'a jamais été expliqué. Je m'appelle Raphaël Bantin, je suis agriculteur sur la commune de Termignon-en-Gaec avec mon épouse, Ghislaine. Donc nous, on a des vaches laitières, on a 55 vaches laitières et la suite, donc les génisses. Et donc on fait du lait, là, qu'on livre de octobre jusqu'à juin. Et puis après, on transforme notre lait l'été. On fabrique à l'alpage, on reste là-haut, on part, on fait les... nomades, on part pendant 4 mois là-haut, on vide la maison et on monte tout là-haut pendant 4 mois. Et on fabrique sur place. L'été, on fabrique du bleu de Termignon, de la raclette, de la tome d'alpage, du beaufort d'alpage, ça nous arrive aussi d'en fabriquer. Le bleu de Termignon, du coup, c'est quoi comme fromage? Eh ben, le bleu de Termignon, c'est le seul bleu qui n'est pas ensemencé en pénicillium. C'est un bleu qui est complètement naturel. J'avais inventé ce fromage parce qu'en fait, une tome, elle peut pas se conserver tout l'été. L'avantage de ce fromage, c'est que vu que c'est un affinage long, ils pouvaient les garder tout l'été. Ils les redescendaient seulement à l'automne pour les vendre à la foire du village, où il y en avait beaucoup qui partaient en Italie. C'est vraiment un une grosse somme de travail pour les faire. Mais bon, ça nous permet de bien valoriser notre lait. Quoi. Puis on perpétue la tradition du village, quoi. Du coup, ça prend sur le cœur du parc. Ah, on pâture jusqu'à entre deux eaux. En fait, on pâture sur une distance de à peu près 12 km. Là où on a le chalet, on est déjà dans le cœur du parc, mais on est, si vous voulez, on bordure du parc. Et après, on est, quand on va sur entre deux eaux, le plan du lac, on est vraiment, ouais, sur le cœur du parc. Bon, y a des contraintes et des avantages, quoi. C'est sûr que quand on voit l'hiver, on se dit que nous, on a une Valsonie, c'est une petite station. Si on avait pu se développer côté parc de la Vanoise, on aurait pu faire un domaine qui pouvait rivaliser avec n'importe quelle autre station de Tarentaise, quoi. Et puis après, quand on va à l'été faire un tour en Tarentaise, ben, on se dit que c'est quand même sacrément abîmé. Que c'est vrai que c'est pas chouette, des pistes qui sont bulées dans tous les sens, des remontées mécaniques, hein, tu vois, voilà. Alors c'est sûr qu'il en faut pour faire vivre les gens localement, mais après c'est bien aussi qu'il y ait un peu un pare-feu de temps en temps pour bloquer tout ça. Mais ouais, des contraintes bien sûr qu'il y en a, quoi. Il y a des choses qui passent pas, quand par exemple quand vous demandez à faire une piste pour pouvoir monter la machine à traire, pour éviter que les vaches se déplacent sans arrêt, pour bah déjà pour elles, et puis surtout pour l'alpage, quoi. Parce qu'elles font des routes à force. Quand il y a 60 vaches qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent pendant 2 mois, ben, des chemins, elles en font de partout, quoi. Et du coup, ben, ça nous a été refusé parce que l'alpage était trop exposé visuellement et que ça allait trop impacter. Donc ça a été refusé. Et puis à côté de ça, donc le parc, eux, ils ont fait plus de 3000 rotations d'hélicoptères pour refaire un refuge. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a un moment de rébellion, quoi, vis-à-vis de ça, quoi. Termignan El Parc, c'est une histoire compliquée, mais aussi de difficultés. La réglementation nationale touche à quelque chose qui est profondément ancré dans le cœur des Français, c'est le droit de propriété. Aujourd'hui, les Termignonnais ou toutes les personnes qui sont en zone cœur du parc sont propriétaires de bâtiments ou de terrains et ils ne peuvent pas y faire ce qu'ils veulent. Rosenars, président du conseil d'administration du parc national de la Vanoise. C'est pour ça que même si objectivement la plupart des personnes voient les avantages du parc national et sont quand même fiers de leur parc national, il y a quand même ces réticences en disant « oui mais moi je ne peux pas aller avec mon chien, oui mais moi je peux pas changer ma toiture sans demander une autorisation, mais ça c'est normal, c'est un permis de construire, mais je ne peux pas utiliser les pierres parce qu'il faut demander à la directrice, ma famille ne peut pas venir me voir parce qu'elle a pas le droit de rentrer en voiture alors que c'est une lieu de vie, un lieu de vie. » Tout ça demande des autorisations et c'est vrai que on peut comprendre qu'il y ait des crispations, même si on essaye de faire en sorte que cette réglementation soit la plus souple possible, que les autorisations soient données de manière souple et facile. Mais demander quelque chose quand on est propriétaire est un acte qui n'est pas facile et qui génère des crispations. C'est un espace de vie, le parc national l'été pour les agriculteurs. Ils y vivent en permanence, ils y ont leurs troupeaux de moutons, leurs troupeaux de vaches, ils ont des exploitations agricoles, ils ont le fruit de leur travail qui est valorisé par le Beaufort et d'autres, et le bleu de Termignan aussi, qui est très connu, de très petites quantités. Mais c'est un espace sur lequel maintenant ils sont plus contraints par une législation du cœur de parc national, qui est une législation de protection importante. C'est un peu la dépossession de ce qu'ils considèrent être leur terre, et c'est un fait, en termes de propriété, c'est leur terre, mais avec une réglementation qui vient les gêner dans leur pratique. Ça peut, bien sûr, créer des conflits, des contrariétés. Les conflits se sont beaucoup exprimés ces dernières années, notamment quand il y a eu toute une discussion sur une signature de la charte des parcs nationaux qui voulait que donc le parc soit constitué de 2 zones, la zone cœur et la zone optimale d'adhésion. Les villages ont été interrogés pour adhérer à cette charte et adhérer à l'esprit du parc national. Et en fait, les discussions autour de la charte ont révélé tout un passif important de conflits qui a fait que 27 communes sur 29 en parc national, côté Maurienne et côté Tarentaise, n'ont pas signé la charte. Je suis devenue présidente du parc national en 2017. Ma mission, en fait, c'est de renouer un lien avec l'établissement public et de créer, en fait, un meilleur fonctionnement entre l'établissement public parc national et les collectivités. Donc, ma position, elle est de dire aujourd'hui, le parc a d'énormes avantages. C'est un parc national. Parc national, dans le monde entier, ça veut dire quelque chose. Et pour nos communes touristiques, c'est vraiment un atout incroyable. Et en plus, on est sur des espaces qui sont quand même grandioses, auxquels sont attachés les gens de Termignan, hein, comme les permanents, les habitants de souche, comme les habitants comme moi, qui y sont arrivés. La peur qu'ont eu les gens avec cette charte, en fait, c'est que le parc mette encore plus son veto sur certains trucs, quoi. Et après, ouais, les gens ont peur par rapport à la station, au développement de la station, que le parc prenne trop de pouvoir, en fait. Vous en pensez quoi ? Ben, moi, je suis toujours un peu craintif. C'est vrai que vis-à-vis de ça. Mais encore une fois, ça manque beaucoup de pédagogie au parc. Et on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, quoi. C'est ce que le parc pense vraiment. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'explication en amont. Après, bien sûr, ils arrivent avec leur gros soulier là, pour dire on vous présente la charte, ça va être super. Non, ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer. Il y a plein de choses à discuter bien avant de discuter de la charte, quoi. Donc bah, les gens ils se sont dit, ben là non, on va se faire manger tout cru. Ben, les élus en premier. On va plus avoir le pouvoir de décision finalement. Donc ben non, la charte, on la laisse au placard. C'est tendu, hein? Ben, pas tant que ça. Non. Non, il n'y a pas de discussion, donc vous savez, quand on se parle pas, on peut pas savoir comment avancer. Mais tendu, non, on peut pas dire que ce soit tendu. Il y a eu des fois où ça a été tendu, ouais. Il y a une fois, il y a un garde qui a fini dans un sac en jute pendu à un arbre, quand même. Bon, là, c'était tendu, là. Je sais pas, il y a une trentaine d'années, je pense. Mais c'est vrai, les anciens, quand ils voient le logo du parc, ça leur met de l'urticaire, c'est clair que... Ouais, il y a eu une série de gardes, là, qui ont vraiment fait du mal, quoi. 25 ans en arrière, là, ils ont vraiment détérioré les relations avec la population locale. Là, ils sont quand même beaucoup plus ouverts. Il y a moyen de discuter. Et on est d'accord sur plein de sujets, en fin de compte. Après, eux, ils n'ont pas non plus tous les moyens. Enfin, c'est pas eux qui décident, quoi. Eux, on leur dit de faire comme ça, ils font comme ça. Et puis, mais il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer, quoi. Panneau, et d'ici on voit ben, un peu donc tout le versant de la dent parachée, hein, le sommet là, et le parc, en fait le cœur de parc se trouve à peu près, hein, grosso modo au-dessus de la limite forestière, quoi, hein. Voilà. Et là, donc là il y a tout un chemin balcon qui fait la limite, qui va sur Aussoy, qui permet de faire le tour des glaciers de la Vanoise, de Pralognan, Termignon, Aussoy. Vous habitez à Termignon depuis 20 ans. Depuis 20 ans, mais en fait, pas dans le cœur du village, quoi. En fait, c'est des logements de fonction du parc, quoi. Qui sont, qu'on les voit, hein, c'est le chalet là-bas. Joël Blanchemain. Voilà, donc on est à 1 km du village, quoi. Garde technicien du parc national de la Vanoise. Ouais, c'est une volonté, en fait, que les gardes soient intégrés dans le tissu social, quoi. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il y a eu des logements de fonction dans le village, quoi. Comment vous avez vécu l'épisode de la charte à Termignon ? Assez mal, pour être honnête, quoi. Voilà, ça a été un peu... pour nous, ça nous a assez perturbés, quoi. Parce que globalement, on avait... Voilà, bon, c'est sûr que le parc, il n'était pas forcément aimé, mais c'était l'institution parc qui n'était pas aimée. Mais après, individuellement, les gardes, on était plutôt... Ça passait bien, quoi. Puis voilà, c'était assez sympa... On connaît un peu tout le monde. Quand il y avait des fois des soucis, on pouvait donner même des coups de main. Enfin, il y avait une bonne ambiance, quoi. Enfin, relativement. Enfin, bonne ambiance, c'était pas non plus. Voilà, mais c'était. On vivait ensemble, quoi. Et puis la charte, eh ben, ça a été. Notamment moi personnellement, il y a eu un débat public où, voilà, on y est allé, pas en tant que garde de parc, mais en tant qu'habitant, quoi. Et là, ça fait drôle de voir un peu toutes les rancœurs. Ça a été assez violent, quoi. Violent, et du coup, voilà, ça, personnellement, je trouve que ça démotive, quoi. Ça, voilà, le parc, voilà, il a 50 ans d'existence et tout ça pour ça. Enfin, il y a quelque chose qui a pas marché, quoi. Et puis on est un peu aussi des fois le représentant de l'État localement, et ça, des fois, c'est ça qui est parfois un peu dur, quoi. On a pris un petit coup quand même sur le moral, sur la motivation. La lombarde qui commence à se lever. on s'est recentré en fait sur le cœur de parc. Quoi. Et donc progressivement, on sent que les choses, le dialogue repart, quoi, doucement, mais ça repart, quoi. Vous avez toujours vécu à Termignon ? Ah ouais, moi je suis né ici et j'avais bougé de Termignon. Je serais bien allé voir ailleurs, mais c'est mon épouse qui a pas voulu, donc voilà, donc on est resté là, on le regrette pas, hein. On le regrette pas, on y est bien. Mais... Il y a plein de trucs qu'on a et que les gens ont pas en ville, on a un confort de vie qui est quand même tout autre, quoi. On est un peu isolé, moi j'aime bien être un peu loin de tout finalement. Ça n'a pas que des inconvénients. J'étais moniteur de ski, là j'enseigne plus, mais j'avais deux jeunes, une fois deux jeunes lyonnais, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais quand la saison est terminée? Je leur dis, ben j'habite ici. Et là ils me font, mais quoi? Mais t'habites ici toute l'année? Mais c'est pas possible. Enfin, j'ai dit, bah si, y a plein de choses à faire. Mais bon, c'est différent de ce que font les citadins, quoi. Quand est-ce que vous avez arrêté? Ben en fait, ouais, j'ai arrêté il y a deux ans parce que je n'avais plus trop le temps en fait. Je faisais 5 heures du matin jusqu'à 22 heures. Et quand on est jeune, on le fait, ça va, mais après. On fait tout à moitié et ça va plus. C'est sympa, puis ça se permet un peu de s'ouvrir sur l'extérieur, quoi. Sinon, on deviendra un peu bourru. On deviendra un peu comme les marmottes, à force. Je sais pas, les gens en ville, s'ils sont moins rudes, hein, quand ils habitent les uns à côté des autres, qui se connaissent pas, qui se parlent pas, je sais pas. Est-ce qu'ils sont moins rudes que nous? C'est pas sûr, hein. J'habite donc Termignon depuis 1979 et d'arriver à Termignon n'a pas été un choc pour moi parce que cet attachement viscéral à son pays, il est de mon identité propre aussi, puisque bretonne, extrêmement attachée à mes racines. Quand on est arrivé dans ce village, on est arrivé à un bon moment où on est tombé dans un groupe de jeunes de notre âge qui étaient pleins de dynamisme, donc qui ont voulu créer un comité d'animation. Ensuite, on s'est retrouvé les mêmes jeunes au conseil municipal en 1983 à vouloir développer des projets pour notre village. Et du coup, on a créé la station de Termignon, qui maintenant est reliée et qui s'appelle station de Valseny, avec ce groupe d'élus. Et quand j'ai été maire, nous avons développé la partie hivernale. Il est clair que le développement économique de la Haute-Maurienne s'est fait en ce qu'on appelle en développement local. Les stations sont des stations locales. Ce sont des entités économiques qui sont restées aux mains des habitants. Donc en ce sens, je pense qu'on se distingue un petit peu d'autres endroits en France, et notamment nos voisins de Tarentès. On veut garder, je crois, la maîtrise du développement de la Haute-Maurienne. Alors bien sûr, du coup, cela se fait plus lentement qu'ailleurs. Il n'y a pas d'énormes apports de capitaux extérieurs, mais il maintient un enracinement profond local. Ici, il y a une vie montagnarde. Il y a un paysage qui est le nôtre, que l'on possède, que l'on peut transmettre, que l'on peut faire découvrir. Il y a l'histoire fabuleuse de ces vallées montagnardes alpestres. Il y a une certaine tranquillité, une certaine tendresse de vie ici, dont on va avoir besoin les gens de plus en plus. Je pense que c'est le sport d'hiver du futur, c'est ça. Ça ne s'appellera peut-être pas sport d'hiver, mais ça sera l'hiver à la montagne d'une manière différente. On fera encore du ski parce que c'est trop beau, puis ça serait dommage de ne pas faire du ski, ne serait-ce que pour les enfants, c'est l'évasion. Mais il y a en même temps tout le reste. Il y a la promenade dans ces chemins, il y a cette nature qu'il faut savoir écouter, lire, comprendre. Et ça, c'est notre travail, c'est le travail qu'on devrait faire. Mais il faut qu'on en soit bien conscient. J'ai été élevé par ma grand-mère, vous savez. C'est une femme qui vivait dans son chalet d'alpage tout l'été. Elle passait 4 mois là-haut au pied du Mont Blanc, toute seule bien sûr, parce que c'est une de ces femmes qui avait perdu son homme à la guerre de 14-18. Et elle faisait tout ce qu'il y a à faire avec ses vaches, ses chèvres, son chien, son mulet. Et depuis tout petit, je ne savais encore peut-être pas marcher, on m'a mis sur le dos du mulet chez la grand-mère là-haut. Et elle avait une telle approche de la nature. Elle avait, vous savez, on a besoin de communiquer. L'être humain a besoin de communiquer. Et il communique avec d'autres vies. Et ces autres vies, pour elle, c'était ses bêtes, ses propres bêtes, bien sûr. Elle communiquait avec les bêtes sauvages, les chamois, les coqs de bruyère, les aigles. Elle communiquait avec les sources, avec les vents, les fleurs surtout. Elle savait toutes les plantes, comment les cueillir, comment les faire vieillir, comment les garder pour se soigner. Elle savait tout ça et j'ai appris tout ça avec elle. J'adore les bêtes et j'ai un lien avec elles, surtout les bêtes sauvages. Le chamois, bien sûr, qui est mon ami fétiche. Il y a l'aigle royal, il y a le loup. Vous en avez déjà vu un? Oui. Ah oui? Ah oui, oui. Pas rien qu'un. J'étais pas loin d'ici, hein. 100 mètres, 200 mètres au-dessus de ma maison, pas plus. Le matin, je pars tous les matins. En hiver, c'est dans la nuit, parce que le jour vient très tard. Et depuis plusieurs matins, j'avais entendu le loup dans la forêt. Ce hurlement magique, c'est un vrai cri de la terre, c'est d'une chaleur fantastique. Je l'avais entendu plusieurs fois et ce matin-là, je l'ai entendu beaucoup plus proche. J'étais avec mon chien, j'ai rappelé mon chien au pied, je me suis collé contre le pylône de remontée mécanique, le chien à côté de moi, et je l'ai vu sortir de la forêt à 200 mètres de moi, tout tranquillement, le nez au vent. Et il est venu à 20 mètres de moi à peu près. C'était d'une beauté rare. Extraordinaire. Il savait que j'étais là. Quelques jours après, il a tué un chevreuil juste là, à 50 mètres de ma maison. Vous savez, moi, je suis persuadé qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé quelque part. Puisqu'on ne sait plus regarder la montagne, on ne sait plus la protéger, comme le reste de la nature, c'est pareil. Et le loup revient parce que la nature en a besoin. Il faut aider les bergers. Le berger n'élève pas des moutons pour les voir manger par le loup. Je sais que c'est dur pour les bergers. C'est leurs moutons, et puis ça crée du stress dans le reste du troupeau. Je le sais bien, j'ai été berger de moutons depuis tout petit. Donnons au berger la capacité de défendre son troupeau. N'allons pas plus loin, et ce sera bien. Vous savez, la nature n'a jamais rien fait au hasard. Le hasard, c'est un mot qui n'existe pas dans la nature. Donc si le loup revient, c'est qu'il y a une raison très très profonde et il faut lui donner sa chance de revenir. Sentir tout, vous bougez pas. Mais pas tout. Ouais. Okay. Je vais rentrer avant vous. Dans là, il y en a pas. Là, après, je rentre avant vous. Vous êtes gentil, Tiki. Vous êtes gentil. Et je vais laisser là-bas. Que... Allez, oh. On a 700 brebis. Ce lot-là, c'est un lot qui va faire l'agneau au printemps pour la traite de l'été. Là, on a les dernières qui ont fait l'agneau, les toutes dernières. Bernard Dinez. Après, le reste, c'est tout ce lot là-bas et ce lot-là, c'est tous des brebis qui sont à la traite. Agriculteur à Solières-Sardière. Là, elles vont commencer à s'énerver, ben, c'est l'heure du casse-croûte. Et là, une brebis, ça a vraiment une pendule dans la tête. Si on a un quart d'heure de retard, elles nous font vite comprendre. Le loup, il n'a aucune place chez nous, parce qu'on avait un équilibre dans les montagnes ça marchait très bien. Il y avait un super bon équilibre entre tout le monde, et le loup est arrivé là-dedans. Et vous en avez déjà vu un loup ? Ah ben oui, quand même. Mais bon, moi, ça me fait pas rêver. Hein. Je veux dire, la seule cauchemar que je fais, c'est de voir un loup et de pas avoir la carabine pour le dessouder. Quoi. Les gens qui sont heureux de voir un loup, je vois pas ce qu'il y a d'être heureux de voir un tueur. Pourquoi on est heureux de voir quelque chose qui détruit tout ? Cette année, on a eu deux attaques sur un alpage où on mettait des bêtes en pension. C'est la première année qu'on a très peu d'attaques. Mais bon, on blinde énormément les protections. On a beaucoup de bergers, on a des chiens, beaucoup de chiens. C'est pour ça qu'on arrive à baisser un peu la prédation, mais c'est très compliqué. L'État finance normalement 80% des bergers. Après, il finance les chiens, mais après, il y a des plafonds. Donc bien souvent, on arrive au plafond très rapidement et puis on en est beaucoup de notre poche, quoi. Pour 2018, on n'a pas fait les comptes encore, mais pour 2017, je crois qu'on était à pas loin de 20 000 euros de notre poche pour la protection. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de corporations qui seraient capables de faire ça. On peut faire ça parce qu'on a une exploitation qui fait du lait, qu'on fait du fromage et qu'on a, on a un peu de trésorerie, mais tous mes collègues qui font de la viande où c'est très très juste en trésorerie, ils ne peuvent pas se permettre. Et puis ça va bien avec les patous ? Oh ben pour nous, ça va bien. On a un peu moins de victimes par attaque quand on a des patous. Ça va beaucoup moins bien pour les randonneurs et puis pour les offices du tourisme. Vous avez eu des patous qui ont attaqué des... Ah bah oui, moi j'étais le premier à passer au tribunal. C'est moi qui ai ouvert le bal. Mais bon, pour l'instant, on a quasiment toujours gagné. On ne peut pas mettre des gens au tribunal quand on impose des choses. C'est l'État qui nous impose ces chiens. Le préfet signe les contrats. Donc, normalement, on ne devrait même pas aller au tribunal. On ne peut pas tout accepter. Le loup nous a été imposé, les chiens nous ont été imposés. Donc, il faut que tout le monde fasse un effort. On a des gens qui vont porter plainte parce qu'ils ont vu un patou à 100 mètres. Le chien, il a aboyé, ils le voient, ils vont porter plainte. Donc, il y a quand même un sacré problème, quoi. Et ça se passe comment avec le parc ? Ça a été très, très tendu. Il y a eu des actions très fortes pour faire entendre notre voix. Ça a porté, puisqu'ils ont changé de directeur, de président. Et depuis qu'il y a la nouvelle directrice, elle a pris un peu en compte les gens du coin, les éleveurs, tout le monde. On a des relations un tout petit peu meilleures. Mais jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas du tout de relations. C'était la guerre, quoi. C'était les Parisiens contre les gens du coin. Un parc complètement déconnecté de la réalité. Là, ils se sont quand même rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, parce que c'était plus possible de vivre comme ça. La directrice va bien dans le sens de la protection de la nature et de la région. Quand on protège la nature, on protège aussi les gens qui y travaillent. Et vous, la nature, vous l'abordez comment ? Comment on l'aborde comment ? On a toujours vécu avec, on ne l'aborde pas, on est dedans. On sait que quand il y a trop d'espèces, d'animaux d'une certaine espèce, il faut réguler. Quand il n'y en a pas assez, il faut les laisser vivre. On fait ce qu'il faut. Si le parc il est si beau, vous voyez, il y a des panneaux à l'arrivée du parc, endroit d'exception. C'est pas les écolos qui les ont fait, ces endroits d'exception. C'est bien toujours les éleveurs, les agriculteurs. Si la porte d'Entre-deux-Eaux, il n'y aurait pas eu d'agriculture et pas d'élevage, ce serait pas ce que c'est maintenant. Et ça, pour faire comprendre ça aux gens, c'est compliqué. En général, les ovins, ils sont là pour exploiter les terres les plus difficiles. Et les alpages qui ne sont pas pâturés en pente, il y a des avalanches tous les hivers. Et dès qu'ils sont pâturés, il n'y a plus d'avalanches. Et en plus, les brebis, quand elles pâturent, elles font des genres de petits... On ne peut pas appeler ça des chemins, mais des petites cassures sur le terrain en passant, ce qui retient la neige. Et on le voit bien là sur l'alpage qu'on a repris à la Lausanne en 90, nous on l'a repris. Il avait été un peu abandonné cet alpage. On avait des avalanches qui descendaient, on appelait ça l'avalanche des Anvers parce qu'elle descendait très tard au printemps. Et depuis qu'il y a les moutons, elle descend bien moins fréquemment. Et un peu plus loin sous la Parachée où il n'y a pas de moutons, où c'est quasiment tout en friche, les avalanches descendent tous les hivers. On a beau être ruraux et paysans, on a quand même un peu de bon sens. Et on se rend vraiment compte de ce qui se passe. On y est tous les jours dans les montagnes. Vous êtes optimiste pour la suite ? Ah ben oui. Oui, nous on est optimiste parce que de toute façon, je le dis, on fait beaucoup de réunions avec le parc. Hein. On est en train de... Normalement, on avait un comité loup par an, on en a un par mois. Donc c'est déjà une volonté de vouloir faire avancer le dossier puis de vouloir protéger au mieux les éleveurs. La seule chose que je leur dis, on va travailler ensemble, parce qu'on a besoin. Le parc, ça aurait dû être un formidable outil de développement de la vallée. La seule erreur qu'il y a eu, c'est que c'est un parc national. Et ça, c'est la plus grosse bêtise qui puisse exister. Ce serait été un parc régional où les gens de la région s'impliquaient dans le développement du parc et puis dans les activités du parc. Ça changeait tout. La protection de la nature était quelque chose de très, je dirais, à la fois sanctuarisé et monopouvoir porté par l'État. Aujourd'hui, on se rend bien compte que pour avoir des résultats, on n'est rien tout seul. On a des résultats que si on travaille en collectif, parce que d'abord, la répartition des pouvoirs a changé. L'État n'est plus seul maître à bord en matière de compétences. Et donc, il faut apprendre à travailler ensemble pour décider ensemble. C'est la mobilisation citoyenne qui va nous porter. Eva Aliakar, directrice du Parc national de la Vanoise. J'ai pris mes fonctions en juin 2016, dans un contexte quand même extrêmement particulier, puisque quand j'ai pris mes fonctions, il n'y avait plus de direction ni de conseil d'administration plénier depuis 6 mois. Donc ma première tâche a été d'essayer d'aller rencontrer tous les acteurs, de me faire ma vérité sur ce qui s'était passé, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en était arrivé là et comment on pouvait repartir d'un bon pied. On est très clairement encore dans ce que j'appelle la sortie de crise. On n'en est pas sorti, ça ne fait qu'un an qu'on y travaille de manière vraiment active et collective. Ça va prendre encore des années. On ne reconstruit pas en si peu de temps une confiance qui a été perdue en 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, les communes de l'aire optimale d'adhésion du parc ne souhaitent pas revenir sur leur décision et adhérer à cette charte. La violence dont parle Eva Aliakar est encore présente, au moins dans les têtes. Elle m'a surtout été racontée hors micro. Celle symbolique du parc envers les habitants et celle des habitants envers le parc et ses représentants. C'est la partie sombre, un peu inavouable, parfois diffuse et difficilement reconnaissable, de l'histoire de la Vanoise et de son parc. Une violence qui se retrouve partout ailleurs, entre un pouvoir ignorant les réalités que vivent les gens qu'il gouverne, et des gens qui ont un savoir et un vécu qui n'est pas reconnu. Et les loups au milieu, les loups, ou plutôt le loup, dans toute sa splendeur, qui vient cristalliser les colères et autres émotions. Le loup, qui vient remettre un coup de croc sur les plaies. Mais on dirait qu'il existe un après-charte, qui est peu à peu en train de s'écrire. Une tentative de prendre un petit peu plus en compte la protection de la montagne par le bas, par ceux qui ont les pieds dedans, par ceux qui y travaillent et y vivent, par ceux qui la voient tous les jours, par ceux qui ont des histoires de montagne à raconter. À chacun son chemin, la liberté se jette au delta au-delà, où l'océan reflète. On dit que tout est grand, à y perdre la tête. On y goûte un instant et dedans tout s'émiette. J'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête. Je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent. Ici-bas, elles se gavent du premier fanatique, levant le sourcil grave ou le doigt prophétique. Je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent. On les a déjà vues foncer à l'aveuglette quand elles ont peur de tout. Dans la gueule du loup. Haute-Maurienne, un parc contesté par ses habitants. Avec Charlène et Célia Jacquemoz, Yves Berneron, Raphaël Bantin, Rosenars, Joël Blanchemin, Bernard Inez et Eva Aliakar. Merci à Rémi Zanata, Anouchka Bianchi et André Micou. Prise de son, Hélène Langlois et Mathieu Tourin. Mixage, Bernard Laniel. Droit dans la gueule. Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Annabelle Brouard. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans la vallée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, un bestiaire dans une zone protégée. Et pour encore plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et ne ratez pas les autres rendez-vous documentaires de la chaîne, Une vie, une œuvre, l'expérience qui est désormais le rendez-vous du documentaire de création à l'antenne et en podcast, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.